En collaboration avec ses partenaires locaux, Unity Foundation a adapté un cadre de référence spécifique de développement. Ce cadre fait office de guide et influence la façon dont l'action sociale est abordée et réalisée. Au cœur de leur philosophie de développement se situe une certaine vision de l'homme qui façonne leur travail au quotidien. Ces valeurs, son inspiration Baha'i, sont universelles de par leur nature. Voir l'homme comme une mine riche en gemmes d'une valeur inestimable. Une telle vision ne permet pas de voir les hommes comme des victimes impuissantes face à leur destin, ni comme de simples récepteurs passifs d'une aide extérieure. Cette vision nous enseigne au contraire que les hommes peuvent devenir les acteurs de leur propre développement. La cohérence des dimensions matérielles et morales de l'homme. Le développement ne peut pas être mesuré seulement en termes matériels, mais doit aussi prendre en compte la dimension morale afin de ne pas risquer de réduire les individus à de simples consommateurs de biens et de services. Dans une telle approche, les valeurs morales et les besoins matériels ne sont pas séparés artificiellement les uns des autres. L'éducation a des implications morales autant que pratiques. Égalité entre hommes et femmes. Pour qu'une communauté puisse se développer, il est nécessaire que l'égalité entre les hommes et femmes soit assurée.